téléchargez l'application Radio France pour découvrir, écouter des milliers de podcasts et toutes vos radios en direct. Bonjour à tous. Vous aviez toujours voulu le savoir, mais vous n'osiez pas le demander. Dans une heure pourtant, vous saurez comment est née l'espèce humaine et comment elle a évolué jusqu'à nous. Sans oser le demander, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et vous le saurez grâce à Lise Combe, Cyril Marchand, Aloïs Guérin, Laurence Genepin et Jordan Fuentes. L'être humain est un habitant récent de la Terre puisqu'il y est apparu il y a environ 7 millions d'années, soit 58 millions d'années après la disparition des dinosaures que nous n'avons donc jamais pu côtoyer autrement que sous la forme de canards et de pigeons qui en sont les lointains descendants. Quand l'homme y est apparu, la planète avait déjà 4,5 milliards d'années. Autrement dit, l'histoire des débuts de l'humanité est une histoire ultra contemporaine, même si ces derniers centimètres de la frise du temps recèlent encore de nombreux secrets et demeurent à notre échelle tout à fait vertigineux. L'évolution humaine se comporte exactement comme l'évolution de n'importe quel groupe zoologique ou n'importe quel groupe végétal. Oui. C'est-à-dire que ce serait une erreur, à mon avis fondamentale, que de supposer qu'il a pu y avoir une évolution directe, une lignée continue, depuis les premiers ancêtres jusqu'aux formes actuelles. Il s'agit, semble-t-il, de ce qu'on appelle maintenant une évolution à allure buissonnante. Le préhistorien Bernard Champour, 1958. Bonjour Antoine Balzo. Bonjour. Vous êtes paléoanthropologue au CNRS et au Musée national d'histoire naturelle, au Muséum national d'histoire naturelle. Vous étudiez les restes d'humains très anciens et vous êtes spécialiste du cerveau de nos grands ancêtres. Mais comment est-ce qu'on fait pour étudier le cerveau de nos grands ancêtres, puisqu'il ne reste pas grand-chose de ces cerveaux? Oui, c'est l'aspect un petit peu original de mes recherches. On se base sur l'existant, les fossiles humains, donc les crânes, et un petit peu comme par magie, par miracle, on a des informations liées à la forme du cerveau. C'est simplement parce que au cours de notre développement individuel en tant qu'humain, notre cerveau et notre crâne se forment l'un l'autre en même temps avec une covariation, un développement au cours de la croissance, et le cerveau laisse des marques sur la surface interne du crâne. C'est-à-dire imprime réellement comme des fossiles. C'est ça. Il y a des empreintes comme des empreintes digitales finalement du cerveau sur l'intérieur du crâne, de notre crâne ou du crâne des humains fossiles. Alors après, la difficulté, c'est d'arriver à bien apprécier ce que sont ces empreintes et en quoi elles reflètent la forme du cerveau, puisqu'évidemment, on n'a pas la correspondance directe. Un humain d'il y a 2 ou 5 millions d'années, on ne sait pas exactement comment était son cerveau. Donc toute la recherche aujourd'hui consiste à regarder les formes marquées à l'intérieur du crâne de ces différents humains, essayer d'interpréter ça en termes de morphologie du cerveau. Alors vous publiez ces jours-ci un livre intitulé « Brève histoire des origines de l'humanité », c'est aux éditions Talendier, avec une préface de Yves Coppens, un grand préhistorien rendu célèbre par sa découverte, l'une de ses découvertes, celle de Lucie. Mais vous aussi, vous avez fait de nombreuses découvertes, vous avez participé à ou assisté à de nombreuses découvertes. Toumaï, dont on va parler, Flores, les Denisoviens, les crânes de Manissi et d'autres encore. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que ça représente, de ce que ça fait à un préhistorien comme vous que de participer à ces découvertes? C'est de différents ordres. Alors j'ai assisté à ces choses-là de manière plus ou moins lointaine. Toumaï, j'ai pas eu la chance de faire partie de l'équipe qui a trouvé ça, et ça a été quelque chose d'extrêmement important pour la discipline, parce que ça remettait en question beaucoup des choses qui étaient considérées comme définitives sur l'origine de l'humanité. La période de temps, ça remontait dans le temps encore l'origine humaine. Et puis la zone géographique, parce qu'on pensait que l'histoire se passait plutôt en Afrique de l'Est. Et Toumaï recentre ça vers l'Afrique centrale, montre qu'il faut aussi chercher plus loin dans l'espace et dans le temps. On va développer tout ça au cours de cette émission. Donc ça, en tant que spectateur finalement, ou chercheur intéressé, c'est un moment important de la recherche scientifique parce que ça remet vraiment en question ce qu'on pensait et donc c'est un vrai chamboulement, des vraies réflexions. Flores est du même ordre, ce petit homme différent de nous dont on cherche à comprendre les raisons justement de cette particularité. Ça a été aussi un petit tremblement de terre dans la communauté scientifique pour plein de raisons. Et là, j'ai eu la chance de travailler dessus et de contribuer à ces questionnements-là. Et c'est vraiment intéressant parce que travailler sur des fossiles humains si différents de tout ce qu'on connaît, c'est quelque chose de passionnant en tant que spécialiste et puis de très vivifiant d'un point de vue intellectuel parce que forcément, ça nous oblige à concevoir un peu au-delà du cadre conceptuel qu'on peut avoir, essayer de réfléchir d'une manière un petit peu différente. Donc c'est ça le frisson qu'on peut ressentir aussi, c'est le frisson de la découverte qui remet en cause ce qu'on pensait savoir, mais enfin la science c'est ça, c'est sans cesse remettre en cause ce qu'on pensait savoir, et puis c'est aussi, j'imagine, l'idée d'avoir en face de soi, sous les yeux, des ossements qui représentent des vies qui ont aujourd'hui des millions et des millions d'années. Oui, tout à fait. La recherche nous amène à ça, essayer d'élargir les réflexions, les hypothèses, le cadre conceptuel. Donc ça, c'est un plaisir presque intellectuel, scientifique. Et finalement, en termes de frissons, le souvenir le plus marquant que j'ai est d'une échelle vraiment différente. C'est dans le cadre de recherche dans les collections, parce qu'on a beaucoup de collections anciennes trouvées depuis 150 ans qu'on fait de la préhistoire, qu'on fait des fouilles. Dans tous les musées, on a des caisses, des grands volumes de choses, pas forcément triées, pas exploitées jusqu'au bout, pas forcément vues par des spécialistes. Et donc, le vrai frisson dont je me souviens vraiment, c'est à la recherche de fossiles néandertaliens au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain. On y allait pour essayer de résoudre une énigme liée à un spécimen qu'on connaissait, on avait un numéro d'inventaire, on voulait savoir d'où il venait. Et ayant trouvé l'endroit, on a continué à chercher dans les collections qui étaient disponibles là-bas et on a par hasard pu retrouver des objets qui, en fait, n'avaient pas du tout été exploités au moment des fouilles, avaient été mis en sac et pas du tout étudiés. J'étais avec un collègue espagnol et le moment où il a ouvert ce petit sachet, c'était un sachet qui faisait la taille, on le tenait entre les mains, un volume pas très très grand, une petite balle de hand, quand il l'a étalé devant nous, là c'était un vrai moment de frisson parce qu'en tant que spécialiste, on s'est rendu compte que devant nous, la plupart des ossements qui étaient posés étaient des ossements d'un enfant néandertalien que personne n'avait jamais vu. Et là, c'est vrai qu'en tant que chercheur, c'est un moment extraordinaire. Trouver des fossiles humains complètement inconnus, c'est hors du reste, hors des recherches qu'on peut faire, parce que c'est vraiment un émerveillement. Alors parlons de la préhistoire avec vous, Antoine Balzo. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que la préhistoire? Est-ce qu'il y a un début à la préhistoire? Est-ce qu'il y a une fin à la préhistoire? C'est une question sans fin, cette histoire. La préhistoire, comme son nom l'indique, c'est ce qui se passe avant l'histoire. Donc l'histoire a été définie comme démarrant avec le début des productions écrites par les humains. Alors évidemment c'est complexe parce qu'elles n'ont pas lieu en même temps dans toutes les régions du monde. Donc on peut toujours s'interroger sur ce démarrage-là. Mais moi, travaillant sur des millions d'années, finalement, les périodes les plus récentes, on n'est plus à quelques milliers d'années près. Donc on a quand même une limite à quelques milliers d'années pour l'histoire. Le début de la préhistoire, c'est finalement assez ouvert. Pour certains, c'est le début de l'humanité, soit en pensant aux premiers outils et au début des comportements qu'on considère comme être humain. Mais c'est un donc là, ça nous amène à quelle date? Autour de 3 à 4 millions d'années. Certains vont proposer le début des humains en termes de primates bipèdes, donc autour de 7 millions d'années. Et puis, donc sinon, ça, c'est Toumaï, alors? C'est Toumaï, pour le moment. Donc le plus vieux de nos ancêtres. Le plus vieux, nos lointains grand-oncles, connus pour le moment, parce qu'évidemment, on en trouvera d'autres. Il y en a obligatoirement d'autres. Et puis finalement, la préhistoire, on peut aussi le voir comme ce qui se passe avant l'histoire. Et donc, souvent, on parle des dinosaures comme des animaux préhistoriques. Donc, la préhistoire, c'est tout ce qui est avant, donc il n'y a pas de début, finalement. Ou le début de la vie, peut-être. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se représenter cette préhistoire de façon un peu buissonnante, comme Bernard Champeau le disait dans l'archive en introduction de cette émission, comme vous le dites aussi dans votre livre Antoine Balzo, parce que évidemment, on a appris à l'école que à une espèce succédait une autre, les Australopithèques sont avant les Paranthropes, qui sont avant l'Homo. En fait, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, c'est un peu plus compliqué, et puis surtout, ça se chevauche. C'est une des notions vraiment importantes qu'il faut appréhender aujourd'hui, qu'on essaye de mieux expliquer. L'erreur dans cette image de linéarité venait du fait qu'on avait auparavant peu de fossiles. Il y a 50 ans, on en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que ça donnait l'impression que les Australopithèques étaient les premiers, que succédaient Homo habilis, puis Homo erectus, puis Homo sapiens. Donc il y avait cette idée de ligne droite. Qui n'est pas totalement fausse quand même. En fait, elle est complètement fausse. Elle est complètement fausse. Dans un sens, cette image qu'on a du primate qui se redresse, on a tous vu cette image-là du petit singe qui est un petit peu debout et puis qui finit par lire le journal, plus droit, et puis à la fin on met quelqu'un qui lit le journal ou alors quelqu'un qui fait de l'iPod ou quelqu'un qui se recourbe tellement les mœurs aujourd'hui et la manière dont nous vivons serait négative. En fait, c'est une image qui a un message peut-être politique dans cette idée de suite, mais qui est complètement fausse d'un point de vue biologique en termes d'évolution. Il faut vraiment pas imaginer que les groupes se suivent et qu'il y a une logique ou un ordre. En fait, toute nouvelle espèce qui apparaît, qu'elle soit humaine ou que ce soit des insectes ou des coquillages, apparaît par hasard. C'est le principal moteur de l'évolution, le hasard. Ce qui fait que ces groupes humains qui se succèdent, ils ne sont pas apparus les uns après les autres pour être de plus en plus forts ou de plus en plus compétents. Ils sont apparus en lien avec le hasard et les changements qui étaient autour d'eux. C'est-à-dire que, par exemple, au sein d'une même espèce, des individus vont s'éloigner et vont vivre plus ou moins en autarcie pendant plus ou moins longtemps, et du coup développer une espèce d'autre, enfin une autre espèce en l'occurrence. C'est comme ça un peu que ça peut se passer, Antoine Balzo? C'est le principe, c'est un des principaux mécanismes. Il faut plutôt voir ça comme quelque chose, en effet, de séparation de groupes biologiques. Imaginons un grand groupe avec des caractéristiques biologiques, comportementales, dans un milieu donné. Pour de multiples raisons, ce groupe se retrouve séparé. Ça peut être parce qu'une partie se déplace, parce qu'il y a un changement climatique qui induit une séparation du grand groupe. Ce qui fait que les groupes qui seront nouvellement constitués vont être différents du groupe de départ. Et en particulier, s'il y en a un plus petit, plus isolé, celui qui s'est déplacé ou qui s'est retrouvé au niveau de la barrière géographique ou climatique, il ne va représenter qu'une partie de la diversité biologique du grand groupe de départ, une partie de la diversité comportementale. Il est donc différent. Et avec le temps, ces groupes isolés vont se différencier de plus en plus. Oui, parce que ils ont des petits ensembles, donc leurs caractéristiques génétiques spéciales se renforcent. Enfin, en tout cas, on peut l'imaginer. Vont être conservées, et puis surtout celles qui sont dans l'autre groupe ne sont plus là. S'ils ne les ont pas, ils ne vont pas rester, et donc il va y avoir une séparation, une dissociation avec le temps, et donc l'apparition d'une nouvelle forme. Mais là encore, le hasard aura eu un rôle important à jouer, puisque c'est lui qui aura décidé finalement de cette sélection aléatoire. Et ce qui fait que cette image qu'on a souvent de groupe humain qui apparaîtrait par une meilleure capacité, c'est une image qui est fausse, dans le sens où ces capacités qui vont être conservées, qui vont peut-être s'améliorer, être préservées au sein d'un groupe, c'est parce qu'elles étaient déjà présentes et qu'elles vont se perpétuer au sein de ce petit groupe-là. Mmh. Et donc le grand buisson d'humanité, c'est une histoire comme ça de hasard et de buisson, avec des espèces humaines qui vont cohabiter, qui vont vivre en même temps à travers l'espace, à travers le temps. De nouveau vont arriver dans différentes régions du monde. Ça va être beaucoup plus buissonnant, diversifié que ce qu'on imaginait, mais surtout il n'y a pas de direction. C'est le hasard qui joue un rôle à chaque fois. Est-ce que sur le temps long, on ne peut pas imaginer quand même que les espèces les plus fortes, entre guillemets, ou les plus adaptées, vont vivre davantage et ne vont pas s'éteindre, alors que d'autres espèces, peut-être moins adaptées, vont s'éteindre, ce qui fait sur le long terme une espèce de sélection? Est-ce que c'est possible de réfléchir comme ça? On peut réfléchir comme ça. On peut réfléchir comme on veut. Voilà, on peut le dire, tout à fait. Et c'est vrai qu'on a eu tant tendance à imaginer ça, et c'est l'image qu'on maintient quand même dans cette idée de l'augmentation des capacités humaines. C'est un peu Darwin aussi qui nous a fait penser comme ça. En réalité, pas réellement, c'est pas vraiment ce que dit Darwin, parce que ces capacités ne vont pas forcément s'améliorer ou être meilleures. Ce qui est surtout fondamental, c'est que chaque groupe est adapté à un moment donné, à un environnement donné. Mm-hmm. Si l'environnement change, le groupe n'est plus adapté. Donc, les changements climatiques vont avoir un impact majeur sur ça. Alors, il est vrai qu'au cours de l'histoire de l'humanité, il y a eu des formes humaines différentes avec des capacités d'adaptation différentes. Les plus anciens, en particulier à la période des Australopithèques, étaient assez diversifiés en fonction des régions et au cours du temps, probablement parce qu'ils étaient adaptés à des environnements plus limités, à un mode de vie un peu plus particulier. Donc forcément, avec un changement climatique, il n'y avait qu'un moyen pour continuer à vivre, c'est de se transformer, de former une nouvelle espèce. À partir d'Homo erectus, cet humain qui va conquérir l'ensemble du monde, on a une plasticité comportementale, une capacité à s'adapter au milieu qui est beaucoup plus grande. Donc peut-être moins d'impact aussi sur l'évolution humaine dans ce cas-là de l'environnement, puisque l'humain lui-même est capable de s'en extraire un petit peu, ou en tout cas de s'adapter à des milieux extrêmement différents. La grotte Mandrin, c'est une espèce de... c'est une petite bulle dans le rocher, de 10 mètres, 10, 12 mètres de large. On a peut-être 60 mètres carrés en intérieur, couvert par une voûte de pierre, et on est ouvert plein nord, face au Mistral. Ici, on enregistre à travers le temps des premières installations dans cette petite bulle dans le rocher qui ont entre 100 et 120 millénaires dans une période tempérée très chaude. Et à partir de là, les hommes vont venir de manière très régulière jusqu'à il y a 42 000 ans, moment et de l'extinction néandertalienne et de l'arrivée supposée des premiers Homo sapiens en Europe occidentale. Alors, le truc intéressant avec Néandertal et Sapiens, c'est qu'il n'y a aucun site d'Europe ou d'Eurasie, en fait, il n'y a aucun site sur Terre qui nous permette de documenter une contemporanéité entre ces deux humanités. Les datations les plus fines, c'est certaines méthodes du carbone 14. Et avec ces méthodes-là, quand on a une datation à plus ou moins 1000 ans près, on est content. Et à plus ou moins 1000 ans près, hier soir, vous avez dîné soit avec César, soit avec Charlemagne. Sans oser le demander sur France Culture et cet extrait d'un documentaire de Franck Bessière diffusé dans LSD avec l'archéologue Ludovic Slimak. Antoine Balzo, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce petit extrait? L'idée que les espèces ont en effet cohabité dans cette grotte Mandrin, qu'il y a donc parfois juxtaposition, concomitance entre les espèces, ou est-ce que vous en tireriez une autre conclusion? Ah, ça fait partie des grands mystères et des grands objectifs que l'on cherche à atteindre maintenant. Ce qui est important, c'est que lorsqu'on fait des recherches archéologiques, on se retrouve dans des sites, comme le disait Ludovic Slimak, où on n'a qu'un enregistrement partiel de l'information. En quelque sorte, on peut schématiser en disant que finalement, on fouille dans les poubelles des humains qui vivaient là à ce moment-là. Ce sont les objets qu'ils ont laissés, qui sont déposés, qui sont éventuellement fossilisés, que l'on va étudier parce qu'ils ont traversé le temps. Donc on a une image extrêmement partielle du moment de vie de ces humains du passé. Il va falloir réussir à comprendre ça. Et c'est la vraie difficulté. Et il est d'autant plus difficile d'arriver à comprendre les différents niveaux de ce millefeuille dans chaque site archéologique et d'arriver à interpréter les successions humaines qui ont pu avoir dans un gisement. Et en particulier la grotte Mandrin, Ludovic Slimak pense observer un moment où Homo sapiens serait arrivé bien avant ce qu'on pense jusque-là, parmi des niveaux néandertaliens, il y aurait vécu un moment et puis d'autres néandertaliens seraient revenus. Ça, c'est un sujet extrêmement intéressant sur la question des premiers peuplements par Homo sapiens en Europe, et c'est un des domaines de recherche largement débattu et ouvert aujourd'hui dans nos disciplines. Alors c'est pas très facile quand même de s'y retrouver évidemment dans la succession. Je dis succession, c'est pour faire simple, différentes espèces. On va reprendre un petit peu toute la chronologie avec vous si vous voulez bien, Antoine Balzo, et on va commencer avec celui qui est donc le plus ancien hominine bipède connu à ce jour, celui qui inaugure l'humanité, c'est Toumaï. Alors Toumaï, on l'a découvert il y a assez peu de temps en fait, en 2001 seulement, ça n'est notre ancêtre que depuis un peu plus de 20 ans. Ou 7 millions d'années. Tout est relatif. Oui. C'est vrai. Non, c'est une découverte majeure et fondamentale parce que ce fossile-là nous montre bien que notre histoire est très loin dans le temps. Alors, il ne faut pas oublier évidemment qu'à chaque fois qu'on trouve un fossile, c'est juste un indice, un indicateur. Ce n'est pas une preuve définitive de l'origine d'un groupe ou d'une histoire. Là, on a un fossile en Afrique centrale à 7 millions d'années. Il est probable qu'on en trouve des plus anciens en continuant à en chercher. Et puis vous avez une idée de jusqu'où on pourrait remonter comme ça, ou c'est impossible de le dire ? On peut continuer à chercher jusqu'à très loin si on a envie. J'ai aucune idée du moment où ça s'est passé. Alors, ce serait pas aberrant de dire que c'est à moins 13 millions, moins 20 millions. Enfin, on n'a pas d'échelle encore. C'est une question aussi d'attente dans ce qu'on va chercher. Cette idée de rechercher le dernier ancêtre commun en fait entre les humains et les chimpanzés, c'est une sorte un petit peu de graal inatteignable. Dans le sens où, en biologie, en paléontologie, quand on définit des groupes, on le définit à partir de leurs caractéristiques propres. Donc les différences qui permettent de reconnaître un groupe. Là, si on cherchait l'ancêtre commun aux chimpanzés et aux humains, on chercherait un primate qui aurait, d'après la génétique, entre 10 et 12, 13 millions d'années à peu près. Mais là encore, c'est juste une estimation. Mmh. Ça peut être moins, ça peut être plus, mais c'est dans cette période de temps-là. Le problème, c'est que d'un point de vue biologique, cette ancêtre commun théorique, il n'aurait aucun des caractères humains ni aucun des caractères de chimpanzés. Ce serait quelque chose de neutre qui ressemblerait en fait aussi aux branches parallèles au grand groupe des humains et des chimpanzés. Donc il n'existe pas, probablement ? Il existe d'un point de vue évolutif. Il a existé à un moment, mais c'est une idée en termes de marqueurs paléontologiques. On ne trouvera pas forcément. L'intérêt, par contre, c'est d'essayer de remonter toujours plus loin et de trouver des fossiles dont les caractéristiques nous permettent de discuter de ce qu'ils sont. Et Toumaï, c'est un bon exemple. C'est un crâne, pour le moment, bien décrit, qui a une morphologie qui laisse très peu de doutes sur le fait que ce crâne-là appartenait à un primate bipède. La forme que, de la fait, base du crâne. Ça, c'est important de l'expliquer. Dire. C'est que ce qui fait aussi la différence entre un chimpanzé et un hominine, si je ne me trompe, c'est que l'un se tient debout, c'est l'hominine, et c'est ce qui fait d'ailleurs son caractère humain, est-ce qu'on peut le dire comme ça ? En réalité, un chimpanzé peut se tenir debout sans difficulté et a une part non négligeable de sa locomotion qui se fait de manière bipède, s'il a besoin pour porter des choses ou dans certains contextes. La vraie différence, elle est anatomique, dans le sens où le corps de ce qu'on met dans les hominines, c'est la définition en fait de ce grand groupe, moi j'aime bien dire humain simplement, ça me permet de simplifier, parlons des humains. Le point commun des humains, c'est d'être bipède, bon, mais surtout d'avoir une anatomie transformé, adapté à cette bipédie. Avec le crâne, du coup, positionné d'une certaine manière. Exactement. Ça implique des transformations du pied, des jambes, du bassin, de la colonne vertébrale et du crâne. Et en particulier pour le crâne, chez un animal quadrupède, la colonne vertébrale va venir s'articuler avec l'arrière du crâne, de manière un petit peu oblique. Donc, le trou occipital, cette jonction, en fait, du crâne vers les vertèbres et vers l'arrière. Alors que chez un primate bipède, ça se situe bien en dessous du crâne. Pour Toumaï, c'est vraiment pas discutable. Il faudrait être d'assez mauvaise foi pour considérer que son trou occipital est pas bien en dessous du crâne. Donc c'est un vrai signe de bipédie. Néanmoins, ça n'empêche pas qu'il y ait des discussions sur d'éventuels autres ossements ou sur l'adaptation du reste du corps. Il y a d'autres ossements qui ne sont pas encore publiés de cette espèce-là, de bras, de jambes, qui montrent des adaptations différentes à la bipédie. Mais c'est logique aussi. C'est attendu qu'un humain de 7 millions d'années n'ait pas le même type d'adaptation qu'un Homo sapiens, qu'un Australopithèque, qu'un Néandertalien, etc. Donc il y a une diversité biologique, mais il y a un ensemble de traits quand même qui conforte bien cette idée que ce Toumaï, il y a 7 millions d'années, était bipède. Qu'est-ce qu'on sait de lui, de sa vie quotidienne? Il habitait près d'un lac. Qu'est-ce qu'il faisait de ses journées, Toumaï? Alors on peut raconter quelques histoires sur sa vie. Il habitait près de zones avec des cours d'eau. Et puis des forêts, galeries le long de ces cours d'eau, avec un peu plus loin des zones un petit peu plus sèches, un environnement assez varié. Ce qui est intéressant avec cette notion d'environnement un petit peu ouvert, bien qu'il y ait un petit peu de forêt, c'est que justement pendant longtemps on a imaginé que les humains étaient apparus en Afrique de l'Est, en adaptation à des climats secs et des environnements très ouverts. Ça, c'est la théorie de l'East Side, c'est ça? La fameuse East Side Story, comme on l'a parfois appelée. L'ancienne East Side Story qu'on n'utilise plus aujourd'hui, justement, à cause de Toumaï, en grande partie, parce que ça nous montre que des humains anciens ont vécu dans des environnements assez variés. En fait, c'est presque une des choses les plus complexes, d'arriver à vraiment comprendre les mécanismes qui font qu'il y a une adaptation. Il faut tomber au bon moment, avoir le bon environnement, et forcément avec des fossiles aussi épars dans le temps, Toumaï, un seul fossile à 7 millions d'années, c'est très difficile de relier cause et conséquence et le milieu, etc. Donc on a quelques infos sur sa manière de vivre, son cadre de vie. On en aura sûrement plus si on découvre d'autres primates. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que il ouvre le champ des possibles vers l'ouest de l'Afrique pour chercher de nouveaux spécimens, des périodes plus anciennes, des milieux plus ouverts. Donc ça fait vraiment un élargissement des domaines de recherche pour les premiers humains. Mais comment est-ce qu'on cherche ça? C'est-à-dire, vous découvrez de nouveaux ossements. Qu'est-ce qui peut vous donner des indications sur la façon dont Toumaï ou ses congénères vivaient? Comment est-ce que vous travaillez ça? Alors il y a plusieurs aspects. Déjà, il y a le fait d'avoir l'idée d'aller chercher à cet endroit-là. Ce qui, pour Toumaï, était quelque chose d'assez ambitieux, finalement, puisque l'idée était de penser que les humains venaient d'Afrique de l'Est à une période plus récente, chercher dans des niveaux aussi anciens, c'était courageux. Il y avait une intuition, il y avait quoi au départ? Il y avait une intuition, certainement, et il y avait probablement l'impression qu'il y avait un vrai potentiel dans ces régions-là, puisqu'il y avait déjà eu un reste d'Australopithèque trouvé déjà par Michel Brunet et son équipe quelques années auparavant, donc une présence humaine, donc pourquoi pas une période plus ancienne. Et en fait, c'est ce qui est complexe, mais extrêmement intéressant dans notre discipline, c'est que on a ces fossiles épars, ces données, que l'on met ensemble, on essaye de construire des hypothèses qui, dans certains cas, sont presque plus des histoires que des vraies hypothèses scientifiques sur ce qui a pu se passer. Je veux dire histoire dans le sens où on n'a finalement pas assez de données pour que ce soit vraiment robuste. Et la preuve, justement, si on cherche un peu plus loin, un peu ailleurs, parfois, ces hypothèses, ces histoires tombent et ça permet d'élargir les recherches. Et là, dans ce cas-là, c'est exactement ça. Alors, le moteur, l'idée, ça a été de chercher dans des endroits où il y avait des niveaux anciens. Et j'imagine qu'ils ont cherché dans des couches de plus en plus anciennes en se disant, tant qu'on gagne, continuons à chercher, on va peut-être trouver de nouvelles choses. Et ça a fonctionné dans ce cas-là. Donc, c'est un peu la magie des recherches en paléoanthropologie où finalement, la probabilité de trouver un fossile humain est, quoi qu'il arrive, extrêmement rare. Donc c'est vraiment de la chance, et quand en plus il y en a à ce point-là, bah voilà, ça marche et bravo. Alors Antoine Balzo, on est là à moins 7 millions d'années, on va faire un saut vers nous jusqu'à moins 4 millions d'années. J'ai dit milliards, mais c'est millions. On est là avec les Australopithèques. Alors quelle différence y a-t-il entre Toumaï et les Australopithèques? Il y a une différence de forme corporelle, d'adaptation et puis de connaissance aussi pour nous. Les Australopithèques, on en connaît des formes extrêmement diverses, entre 4,5 millions d'années et moins de 2 millions d'années, avec une quinzaine d'espèces différentes en fonction des régions et en fonction du temps. Et puis, parfois extrêmement bien documentées, avec de très nombreux restes, ce qui nous permet de bien comprendre et leur anatomie, et puis aussi leur comportement, mieux que Toumaï finalement, parce qu'on a plus d'indications. Si on devait retenir quelques informations sur les Australopithèques, c'est une forme humaine inféodée, liée à des milieux plus restreints, à un environnement assez similaire, probablement peu de possibilités de se déplacer, etc., ce qui explique peut-être en partie pourquoi on ne les trouve qu'en Afrique. Sont des humains qui sont plus variables et plus impressionnants qu'on ne l'imagine pendant l'image qu'on a en c'est France. C'est-à-dire plus impressionnant. L'image qu'on a en France souvent, c'est Lucie qui faisait 1m10 et qui serait l'archétype de l'Australopithèque. Lucie, c'est la deuxième plus petite des australopithèques que l'on connaisse parmi la quinzaine pour laquelle on est capable d'estimer la taille. Les plus grands australopithèques connus font autour d'1m65. Alors, imaginez, c'est plus du tout la même chose. Un bonhomme d'1m65 avec ses proportions corporelles aussi particulières, c'est ça aussi qui est marquant avec les australopithèques, c'est que par rapport à nous, ils ont des bras beaucoup plus longs et des jambes plus courtes. Mmh. Donc c'est une forme du corps, un schéma corporel qui est extrêmement différent. Et puis certaines espèces, comme les paranthropes, ont des crânes extrêmement massifs, une face énorme, des dents qui sont gigantesques, qui sont trois fois plus grosses que les nôtres. Donc imaginez se retrouver face à un humain d'1m65 avec ces caractéristiques-là, ça aurait été sûrement remarquable. Finalement, on ne se le souhaite pas. Ce qui reste de Lucie, c'est le fait qu'en 1974, mais ça c'est de l'histoire des sciences, c'était le premier squelette d'un préhumain aussi ancien, plus de 3 milliards d'années, qui soit aussi complet. Donc ça a donné des informations sur la taille de ces gens, en l'occurrence... Elle était petite. Petit. Oui, elle était petite. Ceci dit, il y avait un grand dimorphisme sexuel. Le mâle avait 1m40, 1m50, alors que Lucie avait 1m20, quoi. Et elle était petite, c'est vrai. Et ce que l'on a appris à ce moment-là, et qui a fait débat, et même conflit avec d'autres équipes, c'est que elle était debout, certes, ça tout le monde était d'accord, elle marchait, certes, tout le monde était d'accord aussi, mais elle n'en grimpait pas moins. Donc elle était à la fois debout, bipède et arboricole. Vous dites préhumain, ça veut dire que Lucie n'était pas une petite femme. C'est ça, absolument, absolument. C'est une pré-femme. Alors c'est une terminologie un peu simple, mais c'est plus facile à comprendre. C'est plus facile que de dire hominidé, c'est plus facile que de dire homininé. Un langage technique qui n'est pas toujours très facile. Mais ça signifie que ce ne sont pas encore véritablement des humains, mais que ces gens font partie de l'immense vivier des préhumains, c'est-à-dire des cousins qui précèdent l'homme. Sans oser le demander, Mathieu Garrigou-Lagrange. Antoine Balzo à ce que vient de dire en archivif Copain. Il était au micro de Fabienne Chauvière dans Les Saventuriers en 2011. Eh bien, la dernière information qui date d'après 2011 justement et qui est la dernière petite spécificité, la nouveauté à propos des australopithèques qui finalement change pas mal le point de vue qu'on a sur l'évolution humaine, c'est qu'on a retrouvé des outils en pierre taillés qui ont plus de 3 millions d'années, qui sont contemporains des australopithèques au Kenya. Alors évidemment, on n'a pas retrouvé encore l'artisan associé aux outils, mais de toute façon, c'est antérieur au genre homo, bien avant Homo habilis, qu'on avait décidé comme premier fabricant d'outils. Et cette découverte d'outils est pas surprenante dans le sens où on a plusieurs évidences, plusieurs données archéologiques qui nous montrent que au moins certains australopithèques de temps en temps utilisaient des outils. Et finalement, ça les rend un peu plus humains, un peu moins préhumains. Un peu plus homo. Dans notre vision. C'est une question de terminologie. Après, le terme homo et homo habilis, on l'a défini uniquement à cette fin-là pour dire les premiers artisans, les premiers fabricants d'outils. Et ben, maintenant, on sait que les australopithèques, au moins certains, ont de temps en temps fabriqué des outils en pierre, ce qui montre bien des capacités intellectuelles plus importantes que ce qu'on a longtemps imaginé. Autrement dit, tout se floute. Ça se floute ou ça se précise finalement. On était sur des données fragmentaires où on avait imaginé qu'Homo habilis était le premier homme intelligent sur la base finalement de l'absence de preuves. Eh bien, on en trouve des plus anciennes qui nous montrent que les humains étaient un peu plus malins qu'on ne l'imaginait auparavant. Donc Homo habilis, c'est quand alors à peu près ? Homo habilis en tant que défini dans les années 70, et c'est un groupe humain qui a vécu entre un peu plus de 2 millions d'années et 1,5 million d'années à peu près. Alors, il y a plein de discussions en fonction des chercheurs sur quel fossile on met dans Homo habilis ou pas. Il y a Homo rudolfensis qui peut être associé parfois par certains scientifiques. Ce qui est important de retenir, c'est que justement, il avait été défini au départ dans l'idée de lui attribuer des outils en pierre qui étaient dans le même gisement. Et en fait, un crâne de paranthrope étaient déjà connus dans le même site. Et les ossements d'Homo habilis, bah, parce qu'ils avaient une taille un peu plus grande, ils étaient un peu plus graciles, il n'y avait pas cette face massive. Le cerveau étant plus grand, ça faisait d'eux un meilleur candidat potentiel. Et puis nous ressemblait davantage, et donc c'est nous devions être flattés de voir que on pouvait le trouver intelligent. Enfin, en tout cas, il y a peut-être une espèce d'identification qui était plus simple que avec le visage et le corps que vous nous avez tout à l'heure décrit. En partie, la ressemblance. Et puis cette idée, finalement, c'était plutôt de l'exclusion que de la ressemblance, en se disant au départ, un paranthrope avec cette tête-là, en plus c'était un crâne complet, magnifique. C'est pas possible, il y a des grosses dents, un petit cerveau, ça peut pas être un fabricant d'outils. Il faut donc un cerveau plus gros pour le faire. Et le jour où un humain a été trouvé dans le même site, juste à côté, hein, l'article qui décrit l'espèce Homo habilis dit, on l'appelle Homo habilis, on choisit habilis parce qu'on suppose que c'est l'artisan, mais il est vraiment écrit dans l'article, mais il y avait aussi un crâne de paranthrope qui a peut-être été aussi l'artisan des outils, ou peut-être la proie d'Homo habilis, on n'en sait rien. Mais cette phrase-là, elle a été oubliée pendant 50 ans, finalement. On est resté sur l'idée que Homo habilis était le premier artisan, alors que finalement, on n'en avait pas la preuve que c'était lui le vrai premier. Après Habilis, il y a Erectus. Alors ça, c'est la vraie révolution, Antoine Balzo. Enfin, en tout cas, une belle révolution. En quelque sorte. C'est vrai qu'Erectus, c'est un moment important de notre grande histoire, un changement majeur d'un point de vue biologique, comportemental aussi, parce que on se retrouve avec des humains différents de ceux d'avant. Qui nous ressemble un peu plus aussi, en quelque sorte. C'est à partir de ce moment-là que les jambes sont plus grandes. On est à combien à peu près là dans l'histoire? À moins 1 million? Autour de 2 millions d'années. Pour le moment, le plus vieux Homo erectus connu a 2 millions d'années. On en trouvera peut-être des un peu plus vieux au cours du temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès ce moment-là, on constate cette différence-là. Avec Homo habilis, on n'est pas encore certain, on n'a pas tout le détail du squelette. Homo erectus, assez rapidement, on trouve des spécimens avec une boîte crânienne plus grande, surtout une stature plus importante, des bras plus courts, des jambes plus longues, et puis des humains qu'on retrouve en dehors d'Afrique. Et ça, c'est un moment important de notre histoire, c'est cette expansion en dehors de notre continent d'origine, en quelque sorte. Évidemment, ils ne se sont pas dit « partons à la conquête de l'Asie ». C'est un hasard, juste une expansion au-delà, favorisée par des changements climatiques. La péninsule arabique, autour de 2,2 millions d'années, était beaucoup plus verte qu'aujourd'hui. Donc on pouvait s'y étendre, mais aussi probablement parce que ces humains, avec leurs capacités morphologiques différentes, leurs caractéristiques extrêmement différentes, pouvait probablement s'adapter à des environnements plus variés. En fait, on en a même la preuve, puisque assez rapidement, autour de 2 millions d'années, on a des fossiles d'Homo erectus depuis l'Afrique du Sud jusqu'au bout de l'Asie, dans des milieux extrêmement différents, ce qui montre bien qu'ils étaient capables de vivre dans des milieux très métissés, très variables. Alors, on va continuer à faire la chronologie de l'évolution de l'être humain, mais je voudrais faire avec vous une petite pause pour écouter les sons de la préhistoire, et puis vous allez nous dire ensuite ce que vous pensez de tout ça. On a en fait réussi à décoder des fossiles sonores. Alors décoder des fossiles sonores, c'est-à-dire qu'à partir de peintures rupestres, en utilisant des procédés qui avaient été développés au départ par des acousticiens et des physiciens, qu'on a adapté, qu'on a transposé, et utilisé sur ces peintures rupestres, on a réussi à retrouver les sons, les ambiances sonores et les voix qui étaient celles du moment où ces peintures ont été effectuées. Donc on y entend des hommes préhistoriques très anciens, des Homo sapiens, comme vous et moi, mais qui vivaient il y a plus de 30 000 ans, et des Néandertaliens. C'est une grande nouveauté d'arriver à entendre ces sons hein, qui accompagnaient ces peintures, parce que ça fait l'objet de beaucoup de questions et de recherches depuis très très longtemps en préhistoire. Et c'est aussi quelque part, ça nous raconte beaucoup de choses sur ces fameuses rencontres, cette coexistence et ces fameuses rencontres entre ces deux humanités, Homo sapiens et Néandertal. Alors ça, Antoine Balzo, c'est l'extrait d'un docu-fiction qui proposait une immersion sonore à l'ère néandertalienne avec une interview de Florent Détroit, paléanthropologue au CNRS, qui expliquait comment travailler sur des fossiles sonores. Est-ce qu'on peut croire qu'il est possible de récupérer des fossiles sonores et que ce qu'on vient d'entendre là se rapproche, peu ou prou, de ce qu'on pouvait entendre à l'époque préhistorique? C'est une question piège, j'avoue, ne pas bien maîtriser cette notion de fossile sonore. Je connais pas le contexte de ce documentaire-là et de cette idée de l'enregistrement. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça fait partie des questions ouvertes depuis longtemps sur les capacités humaines de savoir à partir de quand il y a pu y avoir un langage complexe chez les humains. Et depuis toujours, depuis les débuts de la préhistoire, on se retrouve dans des raisonnements un petit peu circulaires et finalement limités par l'absence d'informations directes que l'on a. On n'a pas d'enregistrement sonore réel, on n'a pas de bande-son des humains de la préhistoire. Comment est-ce qu'un fossile sonore peut d'ailleurs réellement exister? Est-ce qu'on peut imaginer que les ondes pourraient rester imprimées quelque part, ou ça vous semble complètement impossible? Je ne sais pas, je suis scientifique, donc je ne vais pas vous dire que c'est totalement impossible. On ne sait jamais, mais là, j'avoue que lié à la peinture, je vois pas dans quel contexte ça a pu être étudié. Néanmoins, le vrai sujet derrière, c'est de réfléchir justement à ces capacités humaines et à cette possibilité. Donc, quelles sont les informations qu'on peut avoir sur ces capacités-là? Alors elles sont complètement indirectes. Pendant longtemps, on s'est limité à des données biologiques, la forme de la gorge, du palais, et essayer de comprendre comment ces parties anatomiques pouvaient bouger et produire éventuellement des sons chez des humains différents. La limite de cette approche est, en général, la limite que l'on a lorsqu'on s'intéresse au reste du vivant ou du fossile, c'est l'anthropocentrisme que l'on peut avoir dans nos études scientifiques. Et donc il y a des chercheurs qui sont toujours intimement convaincus que un autre groupe humain n'a pas pu parler simplement parce qu'il n'avait pas la même anatomie que nous, qui est celle qui nous sert à parler. Le problème, c'est que c'est extrêmement réducteur. C'est d'imaginer que la seule solution qui fonctionne pour arriver à un résultat, c'est exactement la nôtre. En l'occurrence, quand on regarde l'ensemble des données que l'on peut avoir pour les espèces humaines, on se rend compte qu'il y avait des morphologies en effet différentes, mais des zones cérébrales qui sont impliquées dans le langage qui sont similaires, des gènes impliqués dans le langage qui sont similaires, des productions d'outils, d'art, de sépulture chez des espèces humaines différentes de la nôtre, qui montrent bien des communications complexes et des notions qui ne sont pas matérielles, qui impliquent quand même une capacité d'appréciation de l'immatériel et probablement des échanges aussi entre humains qui sont difficilement concevables sans le communication. Langage. Vous pensez à l'Homo sapiens, qui est aussi une star des études de la préhistoire et qui fait suite, alors bon, pour schématiser toujours, à l'Homo erectus. Je pense même au néandertalien. Ah, même au néandertalien. Homo erectus, premier humain à se déplacer, puis plus tard à utiliser le feu, à développer, alors lui et d'autres espèces, l'exploitation, la fabrication du biface. Un biface, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe à fabriquer. Donc ça, il faut qu'on communique pour le fabriquer. Et les néandertaliens, avec leur technique, le valois, etc., qui implique forcément un enseignement. Et des enseignements qui sont probablement pas suffisants uniquement par imitation et qui impliquent une transmission et un réel transfert d'informations. Après, il faut aussi avoir conscience que le langage que nous avons aujourd'hui, où nous associons des sons pour faire des mots et nous avons une articulation totalement particulière, n'est pas nécessairement le mode qu'avaient ces humains-là. Leur son était peut-être différent, la conception du mot ou de la phrase était peut-être différente, j'en ai aucune idée. Mais il ne faut pas imaginer un humain d'une autre espèce parlant le même genre de langage que nous, c'est pas indispensable. Le langage tel qu'on le connaît, est-ce qu'on peut... Non, on n'a absolument aucune idée d'une datation. Alors, il y a des datations faites par les linguistes qui remontent à quelques dizaines de milliers d'années. Ce qui est intéressant, néanmoins la limite de ça, c'est que les datations obtenues par les linguistes sont un petit peu les mêmes que celles obtenues par les généticiens qui travaillent sur l'humanité actuelle aujourd'hui. Ce sont des analyses qui ne se basent que sur ce qui est encore existant aujourd'hui, sur ce qu'on peut observer au sein de l'humanité. Donc forcément, ce qui a disparu, qui était différent, ne rentre pas en compte dans l'analyse. Donc à partir des langages actuels, on arrive à remonter à des langages ancestraux qui auraient peut-être 40 000 ou 50 000 ans. Ce qui n'exclut pas qu'il y en ait eu avant. Mmh. Ou des C'est différents... même probable, non ? Oui, c'était un peu ce que je sous-entendais par là. L'idée qu'Homo sapiens avait probablement un langage antérieur à ça, et les autres espèces humaines très probablement. Et puis dans le même ordre d'indices indirects, cette observation que l'on a aujourd'hui que les différents groupes humains, sapiens, néandertal, les denisoviens et éventuellement Homo erectus, d'après les restes qu'on trouve dans nos gènes à nous aujourd'hui, hein, cohabitaient et de temps en temps ont échangé des gènes. Ce qui implique des zones de vie qui superposaient de temps en temps et des échanges qu'on peut difficilement imaginer, évidemment, à part le fait que les gènes sont arrivés jusqu'à nous. Donc, on voit quel ordre d'échange il y a eu pour certains aspects. Néanmoins, on ne sait pas quelle communication et quelle vie sociale ils pouvaient avoir entre eux. Néanmoins, c'est arrivé à plusieurs occasions pour les Néandertaliens et Sapiens. La même chose avec Denisova. Tout ça, tout au cœur de l'Eurasie, finalement. Donc c'est peut-être aussi une indication de capacité d'échange et de communication, et donc peut-être justement de langage partagé entre ces humains. Et la communication par l'art, Antoine Balzo, qu'on a tendance, alors là peut-être aussi qu'il faut que vous précisiez les choses, à associer avec Sapiens les diverses grottes et les diverses sculptures aussi qui ont pu être retrouvées de cette époque, semblent nous indiquer que c'est à Sapiens qu'il faut se référer pour parler d'un homo artiste. Il faut s'entendre sur plein de notions différentes. Alors, la première, finalement, qui peut être peut-être plus évidente aujourd'hui, mais finalement, moi, j'ai pas de réponse sur ça, c'est pouvons-nous définir ce qu'est de l'art ? Parlons de dessin, de représentation. La limite de ça, c'est que justement, quand on va dans un musée voir un carré blanc sur un fond blanc, on considère que c'est de l'art. Je juge absolument pas. C'est juste qu'en effet, c'est une œuvre d'art. Que lorsqu'on retrouve une main faite par un Homo sapiens d'il y a 40 000 ans, les préhistoriens disent que c'est de l'art. Là, on s'est retrouvé dernièrement confronté à des représentations faites par des humains, des mains posées sur la paroi, ou des taches rouges, ou des mains à poser les unes après les autres sur des parois de stalagmites rouges. Très ancienne, donc avec une intention évidente voilà. De faire une image. L'intention n'est pas discutable. La datation, on peut toujours trouver des problèmes méthodologiques, mais maintenant, on en a un certain nombre d'évidences dans plusieurs grottes différentes. Donc, en gros, on a vraiment la preuve aujourd'hui, la démonstration, que des Néandertaliens ont de temps en temps à poser leurs mains sur des parois pour poser et mettre une main ou pour faire des impressions de couleurs sur des parois. Est-ce que c'est de l'art ? Voilà, moi je ne suis pas capable de répondre à ça. Est-ce que les Néandertaliens l'ont fait ? Oui, on en a la certitude, on a plein de matériaux colorants dans leur site, etc. Donc on a vraiment cette évidence-là de ce souhait de faire des choses qui n'ont pas d'utilité évidente. Mais vous voyez ça quand même une frontière un nouveau champ de discussion. Avec l'art des sapiens, où là on a quelque chose de très sophistiqué quand même. Oui. Il y a une vraie frontière, en effet, on n'a pas encore retrouvé de représentation équivalente à Chauvet ou à ce qu'on trouve en Asie. La grotte ornée la plus ancienne est en Asie, c'est pas une grotte européenne, c'est en Asie à plus de 40 000 ans. Donc il y a en fait tout un mystère autour de ça. Finalement, les quelques données que l'on a aujourd'hui ne sont qu'une petite partie de l'ensemble des représentations qu'ont pu faire les humains. Et en ce qui concerne les Néandertaliens, jusque-là, puisqu'on était parti du principe que seul Sapiens avait fait des représentations, on avait complètement exclu cette possibilité-là. Il reste aujourd'hui à revisiter toutes ces grottes où on a des choses qui ne sont peut-être moins nettes, moins claires, mais qui peut-être peuvent être aussi figuratives et qui seront peut-être contemporaines des Néandertaliens. Il y a tout un travail d'archéologie, de recherche à faire pour vraiment bien saisir quel aura été le panel de représentation, d'activité artistique entre guillemets, ce sera à définir après, qu'ont pu faire les Néandertaliens. C'est un nouveau champ complet de recherche qui s'ouvre en fait. Et comment on peut travailler alors tous ces nouveaux champs? J'imagine que les nouvelles techniques et notamment le numérique doivent avoir des possibilités, doivent ouvrir des possibilités très grandes. Quels sont vos nouveaux outils, vos nouvelles perspectives, Antoine Balzo? Il y en a toujours de plus en plus, mais en quelque sorte, ça a toujours été vrai en préhistoire. Il y a toujours eu une nouvelle technique au fur et à mesure qui ont permis d'aller un petit peu plus loin. Il est vrai que les progrès de ces derniers temps sont extrêmement impressionnants. Aujourd'hui, on arrive à décoder les protéines conservées dans des tout petits ossements. Ça peut paraître anecdotique, mais en fait, ça a permis d'identifier des restes humains très anciens à partir des protéines, mais sur des ossements extrêmement fragmentaires. Pourquoi, qu'est-ce que on peut lire dans ces protéines exactement? Un code spécial qui permet de dire que c'est humain. Mais en fait, la petite révolution que ça apporte, c'est que par exemple dans cette fameuse grotte de Denisova, où il y a un remplissage où il y a eu probablement trois groupes humains différents, des sapiens, des denisoviens, des néandertaliens qui ont vécu, où les couches sont en plus un petit peu mélangées, où les ossements sont très fragmentaires, on arrive grâce à cette technique-là à identifier des fragments qui peuvent être humains. Et même au-delà de ça, arrive à identifier à quel groupe humain ils apparaissent. Et par exemple, il y a quelques années, avait été annoncé le premier métis de première génération entre un denisovien et un néandertalien. C'est-à-dire que 50% de ses gènes étaient d'un parent denisovien, 50% d'un parent néandertalien. Donc c'est incroyable de tomber pile sur ce spécimen-là. En réalité, cet os-là, si je vous le montre, vous ne me direz pas grand-chose dessus. Moi, certainement pas, non. Vous, mais moi non plus. Parce que c'est juste un tout petit fragment qui a été identifié grâce à ces nouvelles techniques-là. Et en fait, c'est cet apport-là qu'on a aujourd'hui, c'est que on a des capacités d'analyse plus précises, et puis on va être capable de mener beaucoup plus d'analyses qu'auparavant. L'informatique aide à ça beaucoup. Nos capacités de calcul sont démultipliées par rapport à avant. Les capacités de traitement sont gigantesques. Ce qui fait qu'avant, on avait déjà un peu d'informations, d'ADN, de datation, d'imagerie, mais ça restait des choses un peu partielles. Mmh. Là, on est capable d'aller beaucoup plus loin en termes de volume. Aussi peut-être parce qu'il y a de plus en plus de laboratoires qui se développent et qui ont ces capacités techniques-là, ce qui permet de multiplier réellement le nombre d'informations qu'on peut étudier. Et je crois que c'est la vraie clé dans l'avancée de nos connaissances aujourd'hui, c'est que on n'est peut-être pas plus nombreux en tant que chercheurs. Peut-être un peu plus, c'est toujours discutable. Maintenant, il y a plein de pays en Chine, la recherche est hyper active aujourd'hui. Et puis surtout, on a des laboratoires d'imagerie, d'analyse d'ADN, de datation un petit peu partout et qu'on multiplie comme ça le nombre de données qu'on va être capable d'interpréter. Donc forcément, l'image devient de plus en plus précise. Ouais, et que vous pouvez aussi interpréter grâce à une puissance de calcul beaucoup plus forte. Ça signifie que on s'attend à des découvertes majeures, à des réinterprétations de choses qu'on croyait connaître. Quel est un peu l'horizon? L'horizon, c'est toujours la question, le jeu des 1000 francs, d'essayer de savoir ce qui va arriver. On est au jeu des 1000 euros maintenant, je sais que vous vivez dans le passé. Mais... Oui, oui. Bah oui, moi c'était il y a un moment, donc forcément. En fait, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect qui est important et qu'il faut bien considérer aujourd'hui, surtout dans l'actualité que nous venons de vivre ces derniers mois et ces dernières années, c'est qu'il y a une nuance entre ce qu'est la science et ce qu'est la recherche. Mmh. La science, c'est le cumul des informations que l'on a, qui sont construites grâce à des décennies de travaux, de recherches, d'hypothèses testées, et qui sont des idées solides, robustes, qui ont été validées par beaucoup de gens au cours du temps. Ces données-là, scientifiques, elles sont rarement remises en question, même dans mon domaine, parce que justement, elles sont le fruit d'une multitude d'informations.